trop flippé. Chaque bruit dans ma chambre me fait vraiment frémir. Un craquement, ah c'est Ben Laden qui vient me tuer. Coup de terroriste qui viennent bouler ma maison avec leurs avions. Ou en fouvelé qui viennent me buter comme à la télé. Des somnifères pour pouvoir m'endormir. Mais si j'en prenais trop, je risquerais de mourir. Ou alors reconfondre avec du Viagra, comme dans Scary Movie, hier soir à la télé. Ou des terroristes qui viennent bouler ma maison avec leurs avions. Ou en fouvelé qui viennent me buter comme à la télé. Je prends pas de la drogue et je suis insomniaque. Je prends pas de café et je suis insomniaque. Moi j'aime pas le coca et je suis insomniaque. Je regarde la télé et je suis insomniaque. Faut que j'arrête vraiment de regarder la télé, sinon je vais plus jamais pouvoir me dormir. Et puis moi j'aime ça. Bah t'aimes ça quoi? Bah dormir, pourquoi? Ah, parce qu'il en avait pas compris. Ah d'accord, désolé.